cobaye qui tissait sur son pain. Il passe en silence, il veut cette absence. C'est inaperçu qu'il traverse la rue. C'est à pas feutré qu'il veut avancer. Il joue sa vie à tout moment. Sa vie en gérance sera pas au menu du premier venu. Il veut espérer, c'est presque gagné. Il joue sa vie à tout moment. Dans le fusil, cherche son sang. Il joue sa vie à tout moment.